brutalité qu'on retrouvera plus. Le fascisme, l'arbitraire, la mauvaise foi, le picolage. Cher moi, ici il neige à pierre fendre, au milieu des sapins hauts et drus comme des tours Eiffel. Dans ce cul de basse-fosse à la périphérie de la France, périphérique. Où je suis, c'est le Moyen-Âge. Certains vieux ne veulent toujours pas de l'eau chaude et rôdent encore quelques voleurs de poules. Je m'y fais tellement chier que je m'écris une lettre à moi-même. Je comprends pourquoi la chaise Dieu, ou la chasse d'eau comme je l'appelle, était un lieu d'exil pour se débarrasser de ceux qui déplaisaient au roi et à l'église. Comme cet évêque là, Swann. Ou Swann, non, je sais plus comment ça se prononce. Et le cardinal de Rouen aussi. Qui disait de ces terres qu'elles sont des lieux sauvages, inhabitables pour des honnêtes gens. C'était le bal hier et dans la salle des fêtes au Fort Roland de Naphtaline. Que des vieux, j'aurais cru voir la danse macabre de la bassiale d'à côté. Ici, tu captes bien la marche molle et sûre de la race blanche vers le trou noir. Vieille traînée de foudre qui lentement s'éteint dans une chute turque. À un moment, une musique démodée et mélancolique m'a fait penser à la fête triste de Trisomie 21. Ça jouait un truc comme... qu'on appelait village. Qui pour la vie sont partis. nous écoutons la voix du sang et nous chantons d'un même accent nos vieilles terres.